il est inaccessible à la superstition. Jamais un scrupule ne lui fit abandonner ou différer une seule de ses entreprises. Quoique la victime du sacrifice eût échappé au couteau, il ne remit pas son expédition contre Scipion et Juba. Un autre jour, il était tombé en sortant de son vaisseau, et tournant dans un sens favorable ce présage, il s'écria « Je te tiens, Afrique !» pour éluder les prédictions d'après lesquelles le succès et la victoire dans cette province étaient attachés par les destins au nom des Scipions. Et il eut sans cesse avec lui, dans son camp, un obscur descendant de la famille Cornelia, homme des plus abjects, et à qui l'infamie de ses mœurs avait fait donner le surnom de Salviton.